Premier signe. Dans le futur, le Saint, béni soit-il, aura fait se tenir trois rois qui renieront Dieu dans leurs pensées et mentiront et paraîtront devant les humains comme adorant Dieu et ne l'adorant pas. Et ils auront égaré et troublé toutes les créatures et trompé les jugements des nations du monde. Et même les pécheurs d'Israël qui désespèrent de la rédemption auront renié le Saint, béni soit-il, et abandonné sa crainte. De cette génération, il est dit, la vérité aura disparu. Dans quel sens disparu? Au sens où les maîtres de vérité seront devenus très discrets. Ils se seront enfuis et cachés dans des grottes et des trous de poussière. Et tous les puissants de cette génération se seront rassemblés et auront réduit à rien les hommes de foi et auront répudié les portes de la sagesse. Et le monde se tiendra à l'envers. Et à cette même époque, il n'y aura pas de roi ni de prince en Israël, comme il est dit, car pendant de longs jours, les enfants d'Israël resteront sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle. Il n'y aura plus de chef de maison d'études, ni de fierté en Jacob, ni de berger fidèle, ni de pieux, mais des martyrs. Et les portes des nuages auront été bouclées, et les sources de subsistance économique auront été taries. Et à cette époque où le Messie se révélera dans sa puissance, la génération d'alors sera en train de marcher et de tomber dans sa vie, du fait de lois dures et nouvelles et déroutantes que ces trois rois auront décrétées. Ils décréteront même de renier le temple et le Seigneur et la Torah. Et le Saint, béni soit-il, décrétera que ce règne de l'impiété durera 9 mois, d'un coin à l'autre de la terre, comme il est dit. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Or, il n'est jamais dit, c'est pourquoi, si ce n'est à propos de serment, comme il est dit, c'est pourquoi, je le jure à la maison d'Élie, ni sacrifice ni offrande n'effaceront jamais la faute de la maison d'Élie. Et ils auront pris des décrets durs et redoublé les impôts sur Israël. Pour une part, il y en aura 10, qui avait donné 10 parts devra en donner 100, et qui avait donné 8 parts devra en donner 80, et qui n'aura rien à donner, on lui tranchera la tête. Tout cela pendant 9 mois. Les décrets se renouvelleront l'un après l'autre, toujours plus durs. Ces hommes de la fin du monde seront affreux, et celui qui les regardera mourra de peur, si bien qu'il ne leur sera même pas nécessaire de faire la guerre, par la peur qu'ils inspireront. Ils feront tout mourir. Chacun d'eux aura 2 crânes et 7 yeux qui brûleront comme du feu, et des voix comme des armées en marche. À cet instant précis, Israël criera et dira « Vaille, vaille !» Et les petits d'Israël seront troublés, et iront se dissimuler chacun derrière leur père et leur mère, et diront « Vaille, vaille, Abba, que ferons-nous » Et leurs pères répondront « Nous sommes tout près de la rédemption d'Israël. »